Bonsoir à toutes, bonsoir à tous, j'ai une grande nouvelle à vous annoncer. Vous êtes désormais plus d'un millier, ouais, plus d'un millier à nous avoir écoutés sur le 101.2 et surtout en podcast. Alors peut-être avez-vous tout écouté, peut-être avez-vous seulement écouté l'épisode de l'invité qui vous intéressait. Quoi qu'il en soit, merci à vous et merci à la radio News FM pour leur accueil, leur confiance et leur disponibilité pour ces 10 émissions. Et oui, 10 émissions déjà. Des remerciements à nos invités de Grenoble ou de passage sur Grenoble. Efradis, Mathis Druel, Mac, Eric Moifo, Kader Bueno, Laura Domange, Samuel Vergès, Dedo, Maïté Darnaud et Caroline Ruel des Swing Girls. Toutes et tous ont accepté de venir dans une émission nouvelle, animée par quelqu'un dont c'était pas le métier, le tout à leurs risques et périls. Même s'il y a eu des loupés, on va pas se mentir, j'ai toujours eu à cœur de m'intéresser à nos invités et à ce qui les intéresse. Et enfin, un petit bonjour à toute la famille Émergence, particulièrement Eric, bien sûr, que nous avons reçu, Aubin et Mathilde aussi, sans qui cette émission n'aurait pas vu le jour sous cette forme-là. Allez, entre vous et moi, 1000 auditeurs, 10 émissions, c'est pas mal. Je pourrais m'arrêter là, non? En plus, ça fait un chiffre rond. Vous en pensez quoi, vous? Allez, répondez-nous sur notre compte Instagram, @openbuy, openbayes. Voilà, c'est tout pour ce petit discours, ce petit moment. Ça ressemble à un discours d'adieu, mais ça n'en est pas un. C'est essentiellement un discours de remerciement, d'interrogation pour la suite. Donnez-nous vos avis sur l'émission, ce que vous avez aimé, ce que vous n'avez pas aimé. Je vous souhaite une très très belle soirée sur News FM et je vous donne rendez-vous très bientôt pour de nouvelles aventures, ici ou ailleurs.